Amis humains, bonjour. Voici une série d'émissions sur l'histoire de la robotique, telle que nous souhaitons l'aborder, se décline selon deux axes, son aspect philosophique, traité par les indices de la mythologie et de la littérature, et ses différents aspects technologiques, décrits depuis les automates jusqu'au domaine de la vie artificielle puis à ce que nous appellerons la biologie artificielle. N'est-il pas étonnant que la science, avec son énorme flot quotidien de publications, tienne aussi peu de place dans les médias, en particulier les journaux télévisés? Nous souhaitons également promouvoir la créativité en science. La robotique a un aspect ludique et artistique qui peut se révéler le moteur d'un changement d'attitude, tant au niveau de la création qu'à celui de l'acceptation par le public de progrès qui nous mèneront très progressivement mais sûrement en direction d'une robotique humaniste, au service de l'humanité. Suite numéro 27. Histoire de la robotique. Les changements de paradigme, sur les pages d'une émission de Radio-Canada, par quatre chemins, dans un texte de réflexion sur le travail, on trouve les passages suivants. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, nous dit la Bible. Mais le travail n'est plus ce qu'il était. L'attitude face au travail non plus. À notre époque de remise en question, il devient nécessaire de redéfinir et le travail et notre attitude face au travail. Peut-être le chômage est-il, après tout, une transition vers un nouveau type de société, de même que l'absentéisme et les grèves. Peut-être s'agit-il, en fait, d'une crise nécessaire pour accoucher d'une nouvelle civilisation, des douleurs qui donnent naissance. La solution à la crise du travail que nous traversons présentement, elle n'est ni technologique, ni intellectuelle. Elle dépend du niveau de conscience. Elle exige que nous parvenions à nous libérer de notre égoïsme, de notre besoin d'agressivité et de domination. Fin de cette 27e partie, à bientôt. Grosse bise numérique.